Je suis la femme à l'envers. La femme à l'envol. Je suis la femme à la mer. Et je suis mâle à l'envers. Et je suis mâle à la vie. Comme folle. Une femme en enfer. Je suis une fleur amère. Et je suis mal à l'envers. Et je suis mal à la vie. Je vole, vole. Si j'ai l'âme à l'étroit, j'ai le cœur à l'endroit. Toi, toi qui es allongé entre vent et marée, étendu entre la mer et l'amour. Je suis une femme qui vole à l'envers sur la mer. Je suis une femme sans ailes et j'ai le cœur qui s'affole et j'ai peur. Je suis la femme à l'envers, la femme à l'amour. Je suis une femme à tire-d'aile et je vole vers une île et je rêve une île. Attends-moi, à fleur de peau, étendue entre ma bouche et ma main. Déjà l'envers de mon corps, à l'endroit de ton corps, pose une ombre entre soir et matin. Je suis la femme à l'envers. Je suis la femme à la mer. Et je suis mal à l'envers. Et je suis mal à la vie. Comme folle. Folle, folle.